sais pas trop où je vais. Non. Je prends les routes qui m'enivrent. J'ai la frousse, mais j'y vais. Au moins je m'en délivre, c'est pas sécurisant. Ouais. Je sais bien, mais j'y vais. J'ai pas l'âme de requin. Pas l'âme d'un goupil, d'un petit malin. Pas l'étoffe d'un héros, d'un truqueur harlequin. Mesquin. Mais métro, boulot, dodo, plateau, Navarro, c'est l'angoisse de ma vie. Ne vivre qu'à demi, c'est pour ça que j'y vais. On se voûte le dos pour une paye rigolote. On rêve d'autres héros qui seraient mieux que ça. Vivote. Quand les carottes sont cuites, t'as bouffé ta dernière frite. Mmh. Et ouais, c'est là qu'il sonne le plus vrai. Donc j'y vais. Mais là, faut que j'y vais. Hasta la vista.